Chapitre 82. La mer de corail. C'est aux antipodes de notre vieux monde. Rien que le bleu immense. Autour du navire qui file doucement, l'infini bleu déploie son cercle parfait. L'étendue brille et miroite sous le soleil éternel. Yves est là, seul, porté très haut dans l'air par quelque chose qui oscille légèrement. Il passe dans sa une. Il regarde sans voir le cercle sans limite. Il est comme fatigué d'espace et de lumière. Ses yeux atones s'arrêtent au hasard, car partout, tout est pareil. Partout, tout est pareil. C'est la grande splendeur inconsciente et aveugle des choses que les hommes croient faites pour eux. À la surface des eaux courent des souffles vivifiants que personne ne respire. La chaleur et la lumière sont répandues sans mesure. Toutes les sources de la vie sont ouvertes sur les solitudes silencieuses de la mer et les font étrangement resplendir. L'étendue brille et miroite sous le soleil éternel. Le grand flamboiement de midi tombe dans les déserts bleus comme une magnificence inutile et perdue. Maintenant, Yves croit distinguer là-bas une traînée moins bleue, et il y concentre son attention, égarée tout à l'heure dans la monotonie étincelante et tranquille. C'est sans doute la mer qui s'émiette là sur des blancheurs de corail, qui brisent sur des îles inconnues, à fleur d'eau qu'aucune carte n'a jamais indiquée. Comme c'est loin la Bretagne, et les chemins verts de Toulven, et son fils. Yves est sorti de sa rêverie et il regarde, la main étendue au-dessus de ses yeux, cette lointaine traînée qui blanchit toujours. Il n'a pas l'air d'un déserteur, car il porte encore le grand col bleu des matelots. Maintenant, il a très bien vu ces brisants et ce corail, et en se penchant un peu dans le vide, il crie, pour ceux qui sont en bas, « Des récifs par bâbord !» Non, Yves n'a pas déserté, car le navire qui le porte est le « Primauguet » de la marine de guerre. Il n'a pas déserté, car il est toujours auprès de moi, et quand il a annoncé de là-haut l'approche de ces récifs, c'est moi qui monte le trouver dans sa une pour les reconnaître avec lui. À Brest, ce mauvais jour où il avait voulu nous quitter, je l'avais vu passer en déserteur, portant ses effets de matelot, si bien pliés dans un mouchoir, et je l'avais suivi de loin jusqu'à Recouvrance. J'avais laissé monter Marie, puis j'étais monté, moi aussi, après eux, et en sortant, il m'avait trouvé là, en travers de sa porte, lui barrant le passage avec mes bras étendus, comme jadis à Toulven. Seulement, cette fois, il ne s'agissait plus d'arrêter un caprice d'enfant, mais d'engager une lutte suprême avec lui. Elle avait été longue et cruelle, cette lutte, et je m'étais senti bien près de perdre courage, de l'abandonner à la destinée sombre qui l'emportait. Et puis, elle s'était terminée brusquement, par de bonnes larmes qu'il avait versées, des larmes qui avaient besoin de couler depuis 2 jours, et qui ne pouvaient pas tant ses yeux étaient durs à ce genre de faiblesse. Alors, on lui avait mis sur ses genoux son petit Pierre, qui venait de se réveiller. Il ne leur voulait pas du tout, lui, le petit Pierre. Il lui avait tout de suite passé les bras autour du cou. Et Yves avait fini par me dire, « Eh bien, oui, frère, je ferai tout ce que vous me direz de faire. Mais n'importe comment, vous voyez bien qu'à présent, je suis perdu. » C'était très grave, en effet. Et je ne savais plus moi-même quel parti prendre. Une espèce de rébellion, s'être esquivé du bord étant déjà puni des fers et 3 jours d'absence. J'avais été sur le point de leur dire, après les avoir fait s'embrasser, « Désertez tous les deux, tous les trois, mes chers amis, car il est bien tard à présent pour mieux faire, qu'Yves s'en aille sur sa belle rose, et vous vous rejoindrez en Amérique. » Mais non, c'était trop affreux de cela, abandonner à jamais la terre bretonne et la petite maison de Toulven et les pauvres vieux parents. Alors, en tremblant un peu de ma responsabilité, j'avais pris la décision contraire, rendre le soir même les avances touchées, dégager Yves des mains de ce capitaine Kergent, et dès le lendemain matin, aussitôt le port ouvert, le remettre à la justice maritime. Des jours pénibles avaient suivi, jours de démarche et d'attente, et enfin, avec beaucoup de bienveillance, la chose avait été ainsi réglée. 1 mois de fer et 6 mois de suspension de son grade de quartier-maître, avec retour à la paye de simple matelot. Voilà comment mon pauvre Yves repartit avec moi sur ce Primauguet, se retrouvait dans la une encore gabier comme devant, et faisant son rude métier d'autrefois. Debout, tous les deux, sur la vergue de misaine, le corps penché en dehors dans le vide, mettant une main au-dessus de nos yeux et de l'autre nous tenant à des cordages, nous regardions ensemble au fond des resplendissantes solitudes bleues, ces brisants qui blanchissaient toujours. Leur bruissement continu était comme un son lointain d'orgue d'église au milieu du silence de la mer. C'était bien une grande île de corail qu'aucun navigateur n'avait encore relevée. Elle était montée lentement des profondeurs d'en dessous. Pendant des siècles et des siècles, elle avait poussé avec patience ses rameaux de pierre. Elle n'était encore qu'une immense couronne d'écume blanche, faisant, au milieu des plus grands calmes de la mer, un bruit de choses vivantes, une sorte de mugissement mystérieux et éternel. Partout ailleurs, l'étendue bleue était uniforme, saine, profonde, infinie. On pouvait continuer la route. « Tu as gagné la double, frère, » dis-je à Yves. Je voulais dire la double ration de vin au dîner de l'équipage. À bord, cette double est toujours la récompense des matelots qui ont annoncé les premiers une terre ou un danger, de ceux encore qui ont pris un rat sans l'aide des pièges, ou bien qui ont su s'habiller plus coquettement que les autres à l'inspection du dimanche. Yves sourit, mais comme quelqu'un qui retrouve tout à coup un souvenir triste. « Vous savez bien qu'à présent, le vin et moi, oh, mais ça ne fait rien. Il faut me la faire donner, les gabiers de mon plat la boiront toujours. » En effet, depuis qu'une fois il avait renversé son petit pierre sur les chenets de la cheminée, là-bas, à Brest, il buvait de l'eau. Il avait juré cela sur cette chère petite tête blessée, et c'était le premier serment solennel de sa vie. Nous causions là, tous deux, dans le bon air, pur et vierge, au milieu des voiles légèrement tendues, bien blanches sous le soleil, quand un coup de sifflet partit d'en bas. Un coup de sifflet très particulier, qui voulait dire en langage de bord « On demande le chef de la hune de misaine, qu'il descende bien vite. » C'était Yves, le chef de la hune de misaine. Il descendit 4 à 4 pour voir ce qu'on lui voulait. Le commandant, en second, le demandait chez lui. Et moi, je savais bien pourquoi. Dans ces mers si lointaines et si tranquilles où nous naviguions, les matelots se trouvaient tous un peu brouillés avec les saisons, avec les mois, avec les jours. La notion des durées se perdait pour eux dans la monotonie du temps. En effet, l'été, l'hiver, on n'en a plus conscience. On ne laissait plus, car les climats sont changés. Même les choses de la nature ne viennent plus les indiquer. C'est toujours l'eau infinie, toujours les planches, et au printemps, rien ne verdit. Yves avait repris sans peine son existence d'autrefois, ses habitudes de gabier, sa vie de la hune, à peine vêtue, au vent et au soleil, avec son couteau et son amarrage. Il n'avait plus compté ses jours, parce qu'ils étaient tous pareils, confondus par la régularité des quarts, par l'alternance d'un soleil toujours chaud avec des nuits toujours pures. Il avait accepté ce temps d'exil sans le mesurer. Mais c'était aujourd'hui même que ses 6 mois de punition expiraient, et le commandant avait à lui dire de reprendre ses galons, son sifflet d'argent et son autorité de quartier-maître. Il le lui dit même amicalement, avec une poignée de main, car Yves, tant qu'avait duré sa peine, s'était montré exemplaire de conduite et de courage, et jamais une n'avait été tenue comme la sienne. Yves vint me trouver avec une bonne figure heureuse. « Pourquoi ne m'aviez-vous pas dit que c'était aujourd'hui ?» On lui avait promis que s'il continuait, sa punition serait même bientôt oubliée. Décidément, ce serment qu'il avait fait sur la tête meurtrie de son petit Pierre à la fin de la soirée terrible lui réussissait au-delà de son espoir. Chapitre 83. L'après-midi du même jour, Yves est dans ma chambre. Qui se dépêche avant la nuit de remettre des galons sur ses manches, toujours drôle avec son grand air de Forban quand il est occupé à coudre. Ils ne sont plus très beaux, ces pauvres vêtements. Ils ont beaucoup servi. C'est qu'il n'était pas riche en quittant Brest, avec cette réduction de paye, et pour ne pas entamer son décompte, il n'a pas voulu prendre trop d'effets au magasin. Mais ils sont si propres, les petites pièces, sont si bien mises les unes sur les autres, à chaque coude, à chaque bas de manche, que cela peut très bien passer. Ces galons neufs leur donnent même un certain lustre de jeunesse. D'ailleurs, Yves a bonne tournure avec n'importe quoi. Et puis, comme on est très peu vêtu à bord, en ne les mettant que rarement, ils pourront certainement finir la campagne. Quant à de l'argent, Yves n'en a pas. Il en oublie même l'usage et la valeur, comme il arrive souvent aux marins, car il délègue à sa femme, à Brest, sa solde et ses chevrons, tout ce qu'il gagne. La nuit venue, son ouvrage est achevé. Il le plie avec soin, et balaye ensuite les petits bouts de fil qu'il a pu faire tomber dans ma chambre. Puis il s'informe, très exactement du mois et de la date, allume une bougie et se met à écrire. « En mer, à bord du Prix Mauguet, 23 avril 1882. « Chère épouse, je t'écris ces quelques mots à l'avance aujourd'hui, dans la chambre de Monsieur Pierre. Je les mettrai à la poste le mois prochain, quand nous toucherons aux îles Hawaï, un pays, je suis sûr, que tu ne sais pas trop où il se trouve. C'est pour te dire que j'ai repris mes galons aujourd'hui. » Et que tu peux être tranquille, ils ne repartiront plus. Je les ai cousus solides à présent. Chère épouse, cela me prouve pourtant, qu'il n'y a que juste 6 mois passés depuis notre départ, et alors nous ne sommes pas encore prêts de nous revoir. Pour moi, j'aurais pourtant déjà très hâte d'aller faire un tour à Toulven pour te donner la main à installer notre maison. Et encore, ce n'est pas tout à fait pour cela, tu penses, mais c'est surtout pour rester quelque temps avec toi et voir notre petit Pierre courir un peu. Il faudra bien qu'on me donne une grande permission quand nous reviendrons au moins 15 ou 20 jours. Peut-être même que je n'aurai pas assez avec 20 et que je demanderai jusqu'à 30. Chère Marie, je te dirai pourtant que je suis très heureux à bord, surtout d'avoir pu repartir pour ces merci avec Monsieur Pierre. C'était ce que je demandais depuis bien longtemps. C'est une si belle campagne, et puis tout à fait économique, pour moi qui ai bien besoin de ramasser beaucoup d'argent, comme tu sais. Peut-être que je serai proposé pour second avant de débarquer, vu que je suis très bien avec tous les officiers. J'ai aussi à t'apprendre que les poissons volants... Crac ! Sur le pont, on siffle, en haut tout le monde, pour le risque de chasse. Yves se sauve et jamais personne n'a su la fin de cette histoire de poisson. Il a conservé avec sa femme sa manière enfantine d'être et d'écrire. Avec moi, c'est changé. Il est devenu un nouvel Yves, plus compliqué et plus raffiné que celui d'autrefois. Chapitre 84. La nuit qui suit est claire et délicieuse. Nous allons tout doucement dans la mer de corail, par une petite brise tiède, avançant avec précaution, de peur de rencontrer les îles blanches, écoutant le silence, de peur d'entendre bruire les récifs. De minuit à 4 heures du matin, le temps du quart se passe à veiller au milieu de ces grandes paix étranges des eaux australes. Tout est d'un bleu vert, d'un bleu nuit, d'une couleur de profondeur. La lune qui se tient d'abord très haut jette sur la mer des petits reflets qui dansent, comme si partout sur les immenses plaines vides, des mains mystérieuses agitaient sans bruit des milliers de petits miroirs. Les demi-heures s'en vont l'une après l'autre, tranquilles, la brise égale, les voiles très légèrement tendues. Les matelots de quart en vêtements de toile dorment à plat pont, par rangées, couchés sur le même côté tous, emboîtés les uns dans les autres, comme des séries de momies blanches. À chaque demi-heure, on tressaille en entendant la cloche qui vibre, et alors deux voix viennent de l'avant du navire, chantant l'une après l'autre, sur une sorte de rythme lent. « Ouvre l'œil au bossoir, tribord !» dit l'une. « Ouvre l'œil au bossoir, bâbord !» répond l'autre. On est surpris par ce bruit qui paraît une clameur effrayante dans tout ce silence. Et puis les vibrations des voix et de la cloche tombent, et on n'entend plus rien. Cependant la lune s'abaisse lentement, et sa lumière bleue se ternit. Maintenant, elle est plus près des eaux et y dessine une grande lueur allongée qui traîne. Elle devient plus jaune, éclairant à peine, comme une lampe qui meurt. Lentement, elle se met à grandir, démesurée, et puis elle devient rouge, se déforme, s'enfonce, étrange, effrayante. On ne sait plus ce qu'on voit. À l'horizon, c'est un grand feu terne, sanglant. C'est trop grand pour être la lune. Et puis maintenant, des choses lointaines se dessinent devant, en grandes ombres noires. Des tours colossales, des montagnes éboulées, des palais, des babels. On sent comme un voile de ténèbres s'apesantir sur les sens. La notion du réel est perdue. Il vous vient comme l'impression de cités apocalyptiques, de nuées lourdes de sang, de malédictions suspendues. C'est la conception des épouvantes gigantesques, des anéantissements chaotiques, des fins du monde. Une minute de sommeil intérieur qui vient de passer, malgré toute volonté, un rêve de dormeur debout qui s'est envolé très vite. Mirage, à présent c'est fini, et la lune est couchée. Il n'y avait rien là-bas que la mer infinie, et les vapeurs errantes annonçant l'approche du matin. Maintenant que la lune n'est plus derrière, on ne les distingue même pas. Tout vient de s'évanouir, et on retrouve la nuit, la vraie nuit, toujours pure et tranquille. Ils sont bien loin de nous, ces pays de l'Apocalypse, car nous sommes dans la mer de corail, sur l'autre face du monde. Et il n'y a rien ici que le cercle immense, le miroir illimité des eaux. Un timonier est allé regarder l'heure à la montre. Par déférence pour la lune, il doit noter sur ce grand registre toujours ouvert, qui est le journal du bord, l'instant très précis auquel elle s'est couchée. Puis il revient pour me dire « Capitaine, il est l'heure de réveiller au quart. » « Déjà, déjà fini mes 4 heures de nuit, et l'officier de relève qui va bientôt paraître. Je commande « Chefs et chargeurs à réveiller au quart. » Alors quelques-uns de ceux qui dormaient à plat pont comme des momies blanches se lèvent, en éveillent quelques autres. Ils partent toute une bande et descendent. Et puis on entend en bas dans le faux pont une vingtaine de voix chanter l'une après l'autre, en cascade comme on fait pour Frère Jacques. une sorte d'air très ancien, qui est joyeux et moqueur. Il chante « As-tu entendu les tribordais, debout au quart, debout, debout, debout ?»« As-tu entendu les tribordais, debout au quart, debout, debout, debout ?» Ils vont et viennent courbés sous les hamacs suspendus, et en passant secouent les dormeurs à grands coups d'épaule. Après, je commande inexorable « En haut, les tribordais, à l'appel !» Et ils montent demi-nus. Il y en a qui baillent, d'autres qui s'étirent, qui trébuchent. Ils se rangent par groupe à leur poste pendant qu'un homme, avec un fanal, les regardant sous le nez, les compte. Les autres qui dormaient sur le pont vont aller en bas se coucher à leur place. Yves est monté lui aussi avec ses tribordais qu'on vient de réveiller. Je reconnais bien son coup de sifflet que je n'avais plus entendu depuis une année. Et puis je reconnais sa voix qui résonne et commande pour la première fois sur le pont du Primauguet. Alors je l'appelle très officiellement par son titre qu'on vient de lui rendre, maître de quart. C'était seulement pour lui donner une poignée de main, lui souhaiter bienvenue et bonne fin de nuit avant de m'en aller dormir. Chapitre 85. Halle le bout à bord, Gulven. C'était dans un accostage difficile. Je venais avec un canot du Primauguet aborder un bâtiment baleinier d'allure suspecte, qui ne portait aucun pavillon. Dans l'océan austral toujours, auprès de l'île Tongab Tabou, du côté du vent, le Primauguet, lui, était mouillé dans une baie de l'île, en dedans de la ligne des récifs, à l'abri du corail. L'autre, le baleinier, s'était tenu au large, presque en pleine mer, comme pour rester prêt à fuir, et la houle était forte autour de lui. On m'envoyait en corvée pour le reconnaître, pour la raisonner, comme on dit dans notre métier. « Halle à bord, Gulven, halle !» Je levai la tête vers l'homme qui s'appelait Gulven. C'était lui qui, du haut du navire équivoque, tenait la mare qu'on venait de me lancer. Et je fus saisi de cette figure, de ce regard déjà connu. C'était un autre Yves, moins jeune, encore plus basané et plus athlétique peut-être, les traits plus durs, ayant plus souffert. Mais il avait tellement ses yeux, son regard, que c'était comme un dédoublement de lui-même qui m'impressionnait. Quelquefois j'avais pensé en effet que nous pourrions le rencontrer, ce frère Gulven, sur quelqu'un de ces baleiniers que nous trouvions, de loin en loin, dans les mouillages du grand océan, et que nous arraisonnions quand ils avaient mauvais air. J'allais à lui d'abord, sans m'inquiéter du capitaine, qui était un énorme Américain à tête de pirate, avec une longue barbe épaisse comme le goémon. J'entrais là comme en pays conquis, et les convenances m'importaient peu. « C'est vous, Gulven Kerbadec ?» Et déjà je m'avançais en lui tendant la main, tant j'en étais sûr. Mais lui blanchit sous son hâle brun, et recula. Il avait peur, et par un mouvement sauvage, je le vis qui rassemblait ses poings, raidissait ses muscles comme pour résister quand même dans une lutte désespérée. Pauvre Gulven, cette surprise de m'entendre dire son nom. Et puis mon uniforme et les 16 matelots armés qui m'accompagnaient. Il avait cru que je venais au nom de la loi française pour le reprendre, et il était comme Yves, s'exaspérant devant la force. Il fallut un moment pour l'apprivoiser. Et puis, quand il sut que son petit frère était devenu le mien, qu'il était là, sur le navire de guerre, il me demanda pardon de sa peur, avec ce même bon sourire que je connaissais déjà chez Yves. L'équipage avait singulière mine. Le navire lui-même avait les allures et la tenue d'un bandit, tout léché et raillé par la mer, depuis 3 ans qu'il errait dans les houles du grand océan, sans avoir touché aucune terre civilisée, mais solide encore et taillé pour la route. Dans ses haubans, depuis le bas jusqu'en haut, à chaque enfléchure, pendaient des fanons de baleines pareils à de longues franges noires. On eût dit qu'il avait passé sous l'eau et s'était couvert d'une chevelure d'algues. En dedans, il était chargé des graisses et des huiles des corps de toutes ces grosses bêtes qu'ils avaient chassées. Il y en avait pour une fortune, et le capitaine comptait bientôt retourner en Amérique, en Californie, où était son port. Un équipage mêlé, 2 Français, 2 Américains, 3 Espagnols, 1 Allemand, 1 Moussindien et 1 Chinois pour la cuisine. Plus une cholla du Pérou, à demi nue comme les hommes, qui était la femme du capitaine, et qui allaitait un enfant de 2 mois conçu et né sur la mer. Le logement de cette famille à l'arrière avait des murailles de chêne épaisses comme des remparts et des portes bardées de fer. Au-dedans, c'était un arsenal de revolvers et de coups de poing et de casse-tête. Les précautions étaient prises. On pouvait, en cas de besoin, tenir là un siège contre tout l'équipage. D'ailleurs, des papiers en règle. On n'avait pas hissé de pavillon parce qu'on n'en avait plus. Les cafards avaient mangé le dernier, dont on me fit voir les lambeaux en s'excusant. Il était bien couleur d'Amérique, rayé blanc et rouge, avec le yak étoilé. Rien à dire, c'était en somme correct. Gulven me demandait si je connaissais Plouerzel, et alors, je lui contai que j'avais dormi une nuit sous le toit de sa vieille mère. « Et vous, dis-je, y reviendrez-vous jamais ?» Il souffrait encore et très cruellement à se souvenir, je le voyais bien. « C'est trop tard à présent, il y aurait ma punition à faire à l'État et je suis marié en Californie. J'ai deux enfants à Sacramento. Voulez-vous venir avec moi voir Yves ?»« Venir avec vous ?» répéta-t-il bas d'une voix sombre, comme très étonné de ce que je lui demandais. « Venir avec vous ? Mais vous savez bien que je suis déserteur, moi. » À ce moment, il était tellement Yves. Il avait dit cela tellement comme lui, qu'il me fit mal. Après tout, je comprenais ses craintes d'homme libre et jaloux de sa liberté. Je respectais ses terreurs de la terre française, car c'est une terre française que le pont d'un navire de guerre. À bord du Primauguet, on était en droit de le reprendre, c'était la loi. « Au moins, dis-je, avez-vous envie de le voir ?»« Si j'ai envie de le voir, mon pauvre petit Yves. » « Alors c'est bien, je vous l'amènerai. Quand il viendra, je vous demande seulement de lui conseiller d'être sage. Vous me comprenez, Goulven ?» Ce fut alors lui qui me prit la main et la serra dans les siennes. Chapitre 86. J'avais accepté de dîner le lendemain chez ce capitaine baleinier. Nous nous étions convenus à merveille. Il n'avait rien de la manière des hommes policés, mais il n'était nullement banal. Et puis surtout, c'était le seul moyen pour moi d'amener Yves à son bord. Je m'attendais un peu le lendemain matin, au jour, à trouver le baleinier disparu, envolé pendant la nuit comme un oiseau sauvage. Mais non, on le voyait là-bas, à son poste, au large, avec toutes ses franges noires, dans ses haubans, se détachant sur le grand miroir circulaire des eaux, qui était ce jour-là immobile, et lourd et poli comme des coulées d'argent. C'était sérieux, cette invitation, et on m'attendait. Par précaution, le commandant avait voulu que les canotiers qui me mèneraient fussent armés et restassent là tout le temps avec moi. Justement, cela tombait à merveille pour Yves, et je le pris comme patron. Chapitre 87. Le capitaine me reçoit la coupée en tenue assez correcte de Yankee. La chola, transformée, porte une robe en soie rose, avec un collier magnifique en perles des îles Pomoutou. J'admire combien elle est belle et combien sa taille est parfaite. Nous voici dans le logis aux étonnantes murailles bardées de fer. Il y fait sombre et lourd, mais par les petites fenêtres épaisses, on voit resplendir des choses qui semblent enchantées. Une mer d'un bleu laiteux et d'un poli de turquoise, une île lointaine d'un violet rose d'iris et de tout petits nuages orangés flottant dans un profond ciel d'or vert. Après, quand on a détourné ses yeux de ces petites fenêtres ouvertes, de ces contemplations de lumière, on retrouve plus étrange le logis bas, irrégulier sous ses énormes solives, avec son arsenal de revolvers, de coups de poing, de lanières et de fouets. On mange à ce dîner des conserves de San Francisco, des fruits esquis de l'île Tonga Tabou, des aiguilles qui sont de petits poissons fins des mers chaudes. On boit des vins de France, du pisco péruvien et des liqueurs anglaises. Le chinois qui nous sert en robe de soie d'un violet d'évêque et porte des souliers à haute semelle de papier. La chola chante une zama cueca du Chili en pinçant sur sa déguela une sorte d'accompagnement qui semble le dandinement monotone d'une mule au trot. Les portes de la forteresse sont grandes ouvertes. Grâce à la présence de mes 16 hommes armés, règne une sécurité, une intimité paisible, qui sont vraiment fort touchantes. À l'avant, les hommes du Primauguet boivent et chantent avec les baleiniers. C'est la fête partout. Et je vois de loin Yves et Goulven, qui ne boivent pas eux, mais qui font les 100 pas en causant. Goulven, le plus grand, a passé son bras sur les épaules de son frère, qui le tient, lui, autour de la taille. Isolés tous deux au milieu des autres, ils se promènent en se parlant à voix basse. Les verres se vident partout dans des toasts bizarres. Le capitaine, qui d'abord ressemblait à la statue impassible d'un dieu marin ou d'un fleuve, s'anime, rit d'un rire puissant qui fait trembler tout son corps. Sa bouche s'ouvre comme celle d'un cétacé, et le voilà qui dit en anglais des choses étranges, qui s'oublie avec moi dans des confidences à le faire pendre. La conversation tourne en douce causerie de pirate. La chola rentrée dans sa cabine, on fait venir un matelot tatoué, qu'on déshabille au dessert. C'est pour me montrer ce tatouage qui représente une chasse au renard. Cela part du cou, des cavaliers, des chiens qui galopent, descendent en spirale autour du torse. « Vous ne voyez pas encore le renard ?» me demande le capitaine avec son plus joyeux rire. « Cela va être si drôle, paraît-il, la découverte de ce renard, qu'il en est pâmé d'avance. » Et il fait tourner l'homme, déjà ivre, plusieurs fois sur lui-même, pour suivre cette chasse qui descend toujours, aux environs des reins. Cela se corse, et on prévoit que cela va finir. « Et le voilà, le renard !» crie le capitaine à tête de fleuve, au comble de sa gaieté de sauvage, en se renversant, pâmé d'aise et de rire. La bête poursuivie se remisait dans son terrier. On n'en voyait que la moitié. Et c'était la grande surprise finale. On invita ce matelot à toaster avec nous, pour sa peine de s'être fait voir. Il était temps d'aller prendre sur le pont un peu d'air pur, l'air frais et délicieux du soir. La mer, toujours aussi immobile et lourde, luisait au loin, reflétée de dernières lueurs du côté de l'ouest. Maintenant les hommes dansaient, au son d'une flûte qui jouait un air de gigue. En dansant, les baleiniers nous jetaient de côté des regards de chat, moitié timidité curieuse, moitié dédain farouche. Ils avaient de ces jeux de physionomie que les coureurs de mer ont gardés de l'homme primitif. Des gestes drôles à propos de tout, une mimique excessive, comme les animaux à l'état libre. Tantôt ils se renversaient en arrière, tout cambrés, tantôt à force de souplesse naturelle et par habitude de ruse. Ils s'écrasaient en enflant le dos, comme font les grands félins quand ils marchent à la lumière du jour. Et ils tournaient tous au son de la petite musique flûtée, petit hurlututu sautillant et enfantin, très sérieux faisant les beaux danseurs, avec des poses gracieuses de bras et des ronds de jambes. Mais Yves et Goulven se promenaient toujours enlacés. Ils se hâtaient pour tout ce qu'ils avaient encore à se dire. Ils pressaient leur entretien dernier et suprême, comprenant que j'allais partir. Ils s'étaient vus une fois, 15 ans auparavant, alors qu'Yves était petit encore. Pendant cette journée que Goulven était venu passer à Pluerzel, en se cachant comme à Banny. Et sans doute ils ne se retrouveraient jamais plus. On vit tout à coup de ces danseurs, qui se tenaient par la taille, se jeter à terre, toujours serrés l'un à l'autre, et puis se débattre, râler, pris d'une rage subite. Ils cherchaient à s'enfoncer leur couteau dans la poitrine, et le sang faisait déjà sur les planches ses marques rouges. Le capitaine à tête de fleuve les sépara, en les cinglant tous deux avec une lanière en cuir d'hippopotame. « No matter, dit-il, yes, they are drunk. Ce n'est rien, ils sont ivres. Il était temps de partir. » Goulven et Yves s'embrassèrent, et je vis que Goulven pleurait. Comme nous revenions sur la mer tranquille, les premières étoiles australes s'allumant en haut, Yves me parlait de son frère. Il n'est pas trop heureux. Pourtant, il ne gagne pas mal d'argent. Il a une petite maison en Californie, où il espère revenir. Mais voilà, c'est le mal du pays qui le tue. Ce capitaine m'avait juré de venir le lendemain, avec sa chola, dîner à mon bord. Mais pendant la nuit, le baleinier prit le large, s'évanouit dans l'immensité vide. Nous ne le vîmes plus.